Lina, quand je te regarde, tu ne me regardes pas. Tes yeux ne traversent pas l'écran, sinon tu verrais sûrement mon gland. Peut-être même une couille qui pend. Je te fais l'amour et maintenant. Lina, pourquoi à lui tu lui souris? T'es tellement belle quand tu souris, mais pas à lui, je t'en supplie. C'est juste une habite que tu suces. Regarde, il bande à peine en plus. Quand je me prends devant toi, j'ai l'impression de te faire l'amour. Qu'ils te prennent en levrette, moi cette position ça m'embête. Même si ton dos est super chouette, je perds ton visage malicieux. Je fonds dans ma main malheureux. Lina, je retrouve un peu de vigueur, une grosse caisse tape dans. Va-t-il réussir à te faire jouir? Je respire au rythme de tes soupirs. Quand je me branle devant toi, j'ai l'impression d'être beau. Lina, que tu me souris à moi. Je t'aime.